fois des erreurs. J'ai dû faire face à l'horreur. J'ai toujours écouté mon cœur, levé la tête, gardé l'honneur. On m'a dit de ne pas abandonner et de vivre avec mon passé. Jamais plus rester abattu, car seul je sais ce que j'ai vécu. Tu ferais mieux de te lever, personne le fera pour toi. Tu ferais mieux de te lever, car le pouvoir est en toi. Tu ferais mieux de te lever. Montre ce qu'il y a en toi, au fond de toi. Je suis mi-ange, mi-démon. J'ai des principes, des convictions. Je ne laisse personne m'influencer. Je suis seul maître de mes pensées. Je suis pas parfaite, je le sais. J'ai essayé de l'être, non c'est pas vrai. Parfois je perds mon chemin, mais je prends mon destin en main. Tu ferais mieux de te lever, personne le fera pour toi. Tu ferais mieux de te lever, car le pouvoir est en toi. Tu ferais mieux de te lever. Lorsqu'il y a en toi, au fond de toi. J'ai eu la volonté de me battre, de vaincre, de m'en sortir. J'ai essuyé quelques tirs et j'ai triomphé dans l'adversité. Alors, aussi longtemps que tu feras de ton mieux, ce qu'ils peuvent dire t'importe peu. Savais-tu que tu étais si fort? Laisse-moi te dire qu'ils avaient tort. Pour toi, lever, car le pouvoir est en toi. Tu ferais mieux de te lever. Lorsqu'il y a en toi, au fond de toi, tu ferais mieux de te lever. Personne ne le fera pour toi. Tu ferais mieux de te lever, car le pouvoir est en toi. Tu ferais mieux de te lever.